En Corée, le monument aux faits révolutionnaires du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il se tème « Que les espoirs soient indélébiles à jamais » est mis sur pied à l'arrondissement de Changgang, province du Jagang. La cérémonie de dévoilement s'est tenue le 23 courant en présence des cadres de la province et de l'arrondissement, ainsi que des habitants. Le monument en granit naturel transmet les espoirs des grands hommes Paektusan emprunts dans cette localité.